Chapitre 8e. Buffalo Bill n'est pas loin. Dans la longue salle de la taverne régnait le plus complet silence. Suspendant leur souffle, les spectateurs attendaient ce qui semblait devoir être l'issue certaine de ce jeu désespéré. À un bout se tenait Ralph, droit et impassible. Il n'avait pas même pâli. De l'autre côté de la salle, près du mur, les assistants étaient rangés, et au milieu d'eux, Buffalo Bill, dont les yeux pénétrants surveillaient le joueur. J'ai l'idée que je me mets du côté de mon meilleur camarade, et que je vais prendre les intérêts de Damon Reeves, dit à ce moment une voix, en même temps qu'un desperado se détachait de l'autre partie de la salle et s'avançait avec un pistolet dans chaque main, les yeux fixés sur Buffalo Bill. Un moment, s'il vous plaît. Ces simples paroles du scout militaire attirèrent tous les regards sur lui, et Damon Reeves proféra un autre juron. Pour moi, étranger, on dirait que cet homme désire, pour une raison que je ne sais pas, se débarrasser de ce brave boy. Mais comme il est honnête, je suppose qu'il faut encourir la chance. Seulement, je suis prêt à prendre sa place, si on le permet. » Une clameur de dénégation lui répondit de partout. Le scout continua. « Comprenez bien, en tout cas, que j'entrerai dans le jeu si je vois un signe de tricherie. Et quant à vous, qui vous proclamiez tout à l'heure le meilleur camarade, le parde de cet homme, il vous perdra. Et tout d'un coup, si je vous vois faire un mouvement pour doubler le coup sur mon gars, mon petit parde, car je l'adopte en cette qualité dès ce moment même, et j'en accepte les conséquences. Maintenant, que le duel se fasse. » Il se fit le même silence de mort que tout à l'heure. Damon Reeves attendit un instant, leva son pistolet en l'air, et l'abaissa lentement, jusqu'à ce que le gueule fût bien exactement en ligne droite avec l'oreille de Ralph Duncan. Alors il pressa la détente. À la chute du chien, le bruit strident de l'explosion de la capsule se fit entendre, mais le coup ne partit pas. Un mouvement imperceptible de la main du tireur, juste assez pour faire dévier la ligne de tir, suffit à déterminer la détonation et la balle alla se loger dans le bois avec un craquement, passant juste dans l'angle formé par le cou et le menton de Ralph. « Vous avez eu votre coup, » dit Duncan, aussi calme que jamais. « Maintenant, nous allons continuer la partie. »« Malédiction, je l'ai manqué, » hurla Reeves. « Le coup ne compte pas, le pistolet a fait long feu. Tenez vos outils en état. Je n'ai pas garanti que vous me tueriez. La chance a tourné, Damon Reeves. Voyons, la dernière partie. » La dernière partie. Quel enjeu vous reste-t-il? J'ai déjà perdu trop de temps avec un gamin. Qu'on me donne un homme pour me mesurer avec lui. Buffalo Bill se rapprocha. Il avait une lueur inquiétante dans l'œil. Ce gamin était assez homme pour risquer sa vie. Si vous pensez qu'il vous plairait d'avoir affaire à plus gros gibier, prenez-moi. Arrêtez, monsieur. Il a consenti à courir les chances de deux paris après avoir déclaré que le jeu était fini. Nous avons exécuté l'un à l'autre maintenant. Le boy a raison, crièrent plusieurs voix, et Tom Lane prononça un « c'est bien ça » qui en disait long. Sans faire plus de façon, Reeves suivit son jeune antagoniste à la table du cabinet particulier où nous les avons vus tout à l'heure. Tout d'abord, Ralph jeta sur la table une ligne d'écrit signée du nom de Harper Clyde. Elle portait « Ralph Duncan agit pour moi, je risque tout ». Puis il se pencha et lui dit à voix basse « Je connais le sujet du différend entre vous et Harper Clyde. C'est Madge Dennison. Vous auriez voulu le tenir ici pour vous battre avec lui aux cartes, de manière à pouvoir le tuer et vous donner le champ libre. Quoi qu'il en soit, il vaut autant que l'affaire prenne fin ici et ce soir. Contre l'argent que vous avez gagné, je mets les chances de Harper Clyde. Si vous gagnez encore, il se retire de la lice et quitte le pays. Êtes-vous fou, boy? Si je jouais cette partie et si je la gagnais, ce que je ferais sûrement, quelle assurance aurais-je que cet homme que vous prétendez représenter exécutera le marché que vous faites pour lui? J'engage ma parole. Promesse! C'est un pâté qui n'a que la croûte, dit-on. Harper Clyde peut se passer la fantaisie de les violer, comme le font des personnages plus huppés que lui. Croyez-vous qu'il y ait un homme qui puisse violer la parole qu'il m'a donnée sans que ceci parle? Ralph frappait significativement le revolver suspendu à son côté. Pendant un moment, le joueur resta plongé dans ses pensées. Il regarda le jeune homme dans les yeux et lui parurent d'une honnêteté limpide. Il n'aurait jamais conçu un plan pour écarter son rival sans courir les plus grands risques personnels. Et voilà que ce rival lui-même lui en fournissait un. Il risquait, il est vrai, une petite fortune. Mais il avait la facilité d'espérer du joueur, et il croyait qu'il était en veine, et que tant que l'adversaire désignerait les enjeux, cette veine s'attacherait fidèlement à lui. « Soit, fit-il soudain, promesse que Clyde se retirera contre ce que vous avez perdu. C'est dit. Vous entendez, monsieur, et vous aussi tous. Je mets ce papier sur la table contre tout ce que j'ai perdu ce soir. Cette partie est la dernière, comme elle est la plus grosse. » Il regarda Buffalo Bill qui répondit pour tout le monde « Nous entendons, commencez la partie ». Le silence se refit et l'intérêt se réveilla plus intense. Cette fois, il y avait bien une douzaine de spectateurs. On oubliait les parties en train, la curiosité se concentrait sur ces deux adversaires si bizarrement assortis. Pour l'audace et le sang-froid, Damon Reeves avait certainement rencontré son rival. Et bien qu'il affectât de regarder Ralph comme un simple boy, il commençait pourtant à reconnaître que ce jeune bouton s'épanouissait en une fleur de virilité dangereuse. « Allez-y, mon petit parde, ne dites jamais, je suis mort, » murmura Cody. « Je veille à ce qu'on vous serve bien. » « Il sera bien servi, » dit Reeves. « Mais si vous ne mettez pas votre langue au cran d'arrêt, il y aura du grabuge après la partie. Pour peu que vous soyez Buffalo Bill, comme je l'entends dire. »« C'est mon nom. Maintenant remplissez votre engagement. Il sera temps d'en chercher un autre quand celui-ci sera exécuté. » Personne d'autre ne paraissait se soucier de parler à Damon Reeves, car il était bien connu comme un homme qui, d'ordinaire, ne causait pas longtemps avant de tirer. Il y eut des yeux qui cherchèrent les siens d'un air interrogateur. Un signe de lui aurait déchaîné le conflit. Mais il secoua la tête, et après les près de 13 000 $ empilés sur la table, il entama cette partie qui devait décider de tant d'intérêts. Du premier coup, il leva 3 points contre rien à son adversaire. Une légère couleur lui monta au visage, et il coupa avec une lueur à peine perceptible de triomphe dans les yeux. Le visage imperturbablement souriant et serein, Ralph donna les cartes. Le coup se joua au milieu de la respiration haletante de tous les assistants, et le boy fit 4 points. Est-ce que réellement la veine allait changer? En prenant les cartes, Reeves haussa son regard et vit une paire d'yeux étincelants arriver sur lui. Il s'empressa de battre les cartes, se murmurant à lui-même. « Qu'est-ce que cet homme y connaît au juste, si j'osais me risquer ?» Les yeux étaient toujours sur lui. Comme il réunissait la coupe au reste du paquet, ses doigts souples tinrent un instant les 2 portions séparées. Il n'y avait qu'à changer cette coupe de place pour lui donner la partie presque certainement. Et mieux que Damon Reeves, bien que l'assistance du Hard Time Saloon n'en fût pas absolument sûre, personne ne savait maquiller adroitement un jeu. « J'imagine que non, » fit Buffalo Bill en un chuchotement presque imperceptible. Ce fut non, en effet. Le paquet et la coupe prirent leur place régulière et la donne eut lieu dans les règles. « Je m'y tiens !» s'écria Ralph, et vif comme l'éclair, il se mit à jouer. L'un après l'autre, il fit tous les points jusqu'à ce que la dernière carte fût abattue. « Ça y est !» cria tout le monde. « Debout maintenant, essuie le feu comme un homme. L'enfant vous tient, et je parierai gros que mon petit père va vous tuer, » dit Buffalo Bill. « Que voulez-vous dire ?» grommela Damon Reeves, ne comprenant qu'à moitié que la fortune de la guerre s'était tournée contre lui. « Ça signifie ceci, » répondit Ralph, qui d'un rapide mouvement de bras avait transféré les billets de banque et l'or de la table dans le sac, lequel avait immédiatement disparu dans sa poche. « J'ai joué l'engagement de Harper Clyde contre tout ce que vous aviez gagé ce soir. » L'argent, je l'ai en sûreté dans ma poche. Une partie appartient à Friars Frank. Mais la balle que vous avez tirée sur moi, j'entends vous la renvoyer. C'est maintenant mon tour, et vous allez voir que le boy peut tenir son bout parmi les meilleurs d'entre vous. » Les mains sur les revolvers, Ralph se dressa et regarda son antagoniste en face. « Vous êtes toqué. On n'a jamais parlé d'une balle à tirer en retour. Il vous est permis d'être assez toqué pour jouer votre vie ou ses chances, mais il me reste encore quelques bons sens. Un pari est un pari. Mais si vous voulez glapir et reculer comme un chien couard que vous êtes, dites à ces gentlemen que Damon Reeves refuse de payer ses dettes d'honneur. C'est tout ce que je demande. Alors, moi et le reste du monde, nous en aurons fini avec vous, pour toujours. Par le ciel, boy, pas un être vivant ne peut dire ça. Je vous tue sur place. Ne vous échauffez pas. J'ai la mise et je la garde. Essayez de prendre vos pistolets et je fais feu tout de suite. » Avant que Reeves eût pu sortir les armes qu'il cherchait, Ralph avait braqué la sienne, les chiens en arrière et son doigt sur la détente. De son côté, Buffalo Bill maniait ses revolvers, prêt à combattre le premier qui oserait intervenir. L'intrépide jeune homme n'était plus sans amis. Plus d'un parmi les assistants était disposé à le soutenir. Mais Damon Reeves avait sous la main, sans qu'on s'en doutât, des hommes pour qui la vie de leurs semblables était un jouet qu'ils étaient prêts à briser à son signe. La lutte sur le point de commencer allait donc être furieuse. Elle tardait, parce que personne ne savait comment en donner le signal, sans que ce fût en même temps celui de la mort de Damon Reeves. Quelqu'un pourtant résolut le problème, car tout à coup un sombrero fut lancé à la volée sur la lumière du cabinet, et en même temps toutes les lumières de cette partie du saloon s'éteignirent, laissant la salle dans une demi-obscurité. À ce moment critique, où plus d'un pistolet se levait déjà, on entendait dehors un bruyant piétinement. Il y eut une poussée à la porte, et une voix haute et claire cria. « Quelqu'un ici a-t-il vu Ralph Duncan ?»« Il a assassiné de sang-froid le juge Dennison, et par l'Éternel, si nous le prenons, nous voulons le pendre !» Les pâtres du ranch Dennison étaient enfin tombés sur la piste de Ralph.